Le comité de souvenirs du dirigeant Kim Jong-il est constitué le 6 en Biélorussie. Le comité a décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles et de propager largement à travers les presses écrites et parlées la noble vie révolutionnaire et les exploits immortels du dirigeant à l'occasion du 5e anniversaire de son décès.